votre temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoilà à l'antenne avec vous aujourd'hui. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Bonjour Lily qui est avec nous également. Bonjour Catherine, merci de l'invitation. Voilà. Oui, nous sommes ici pour parler de l'épuisement, de l'épuisement, de l'épuisement, de l'épuisement. C'est un sujet qui est très en avant actuellement. Et il faut savoir qu'en 2025, le gouvernement français avait mis en avant une campagne pour la santé mentale des jeunes. Ce à quoi on nous a demandé d'avoir des interventions dans les écoles pour faire de la prévention. Et on a approfondi un peu le sujet parce que là, il y a 15 jours, nous avions parlé de la génération Z, qui est la génération de 95 à 2010, sauf erreur. Oui, il me semble. Oui, il me semble aussi. Voilà. Et donc là, on a enchaîné sur un sujet qui est aussi très, alors je dirais, qui pose un questionnement très important. D'abord, qu'est-ce que va donner la suite de la jeune génération par rapport à ce phénomène de l'épuisement? On pourrait penser que ça concerne une génération entre 30 et 60 ou entre 20 et 30 ou en tout cas, voilà. Et puis, on voit apparaître un phénomène qui s'appelle le burn-out scolaire. Alors, est-ce que ça a toujours existé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais qu'on parlait beaucoup à l'époque d'anxiété scolaire, de phobie scolaire. Voilà. Voilà. Donc moi, quand j'étais plus jeune, on avait des symptômes dans ce sens-là, mais ce n'était pas identifié en tant que phobie scolaire. Et puis, au fur et à mesure des années, on a commencé à parler de ça, mais pas forcément d'épuisement ou de burn-out, mais bien de phobie scolaire. Donc je pense que c'est lié. Ça a juste commencé par là, quoi. Voilà. Je pense qu'on met peut-être plus le doigt dessus maintenant. Qu'est-ce que tu en pense, Lily? Oui, je pense qu'en effet, on en parle beaucoup plus maintenant. Ça commence à se démocratiser dans les discours. Mais en effet, comme dit Lia, je pense que ça existait possiblement avant. Moi, je pense aussi. Je pense aussi, déjà même dans les générations que j'ai connues dans les années 75, quand moi-même j'avais 15 ans, eh bien, il y avait des personnes qui étaient assez réticentes au système, à la façon d'enseigner, à la façon de fonctionner. D'autant qu'on est après 68, puisque 68 était la libération, en quelque sorte, des punitions, des choses dramatiques. Hein. Le maître d'école dans le village où j'étais, avant 68, avait le droit de taper avec sa règle sur les mains des enfants. Ah, c'est vrai, ça. Hein. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Et après 68, c'était interdit. Il y avait des choses comme ça qui avaient déjà évolué. Mais il y avait une pression qui était importante, peut-être qu'elle avait une autre signification, parce qu'il y avait une pression sur les études. Oui, effectivement, il y avait la pression de faire des études, il fallait, ça se démocratisait. Et puis d'un autre côté, on avait un pendant qui était assez positif, c'est que tout était possible parce qu'il y avait de l'emploi. Donc là, peut-être la situation est un peu différente. Là, quand on parle du burn-out scolaire, je suis tombée sur un site de Seine-Maritime qui parle des jeunes. Et là, il parle « L'école est une source de souffrance ». Le burn-out scolaire est un phénomène en hausse qui touche de plus en plus d'élèves et d'étudiants. Selon les recherches de la psychologue Aline Van Soutstred, j'espère avoir prononcé juste, 15% des adolescents seraient concernés. Entre la pression des notes, la charge de travail toujours plus lourde et une angoisse certaine concernant leur futur, et c'est là justement qu'on pourrait pointer, c'est que ce qui se met en supplément, c'est l'angoisse certaine concernant le futur. Beaucoup de jeunes se retrouvent en détresse psychologique. Si le burn-out était autrefois associé au monde professionnel, il s'invite désormais dans les écoles, collèges, lycées et universités. Ce phénomène est encore plus alarmant si on le couple aux chiffres publiés en 2024 par le ministère de l'Éducation nationale, où 24% des lycéens rapportent avoir eu des pensées suicidaires au cours de ces 12 derniers mois. Quand on sait que le suicide est la finale de l'épuisement, là, 24%, c'est quand même assez énorme. Là, je pense qu'il y a un phénomène qui est, et je vous rejoindrai, qui est mis en avant et qui n'était pas mis en avant avant. Ça, c'est certain. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'il soit mis en avant. Ça me paraît essentiel. parce qu'on ne peut quand même pas laisser les jeunes dans un marasme pareil, comme on dirait au Canada, dans le marécage. Oui, oui, on dirait à peu près ça, ou dans... Oui. Oui. Oui. Donc, mais en effet, c'est vrai que c'est important, puis c'est une bonne chose qu'on en parle de plus en plus. Maintenant, il va falloir trouver des solutions concrètes pour aider ces jeunes-là. Il va falloir que le système change éventuellement même. Ça, c'est ça, oui. Et pour ta part, Lia, qui a quand même eu des jeunes il n'y a pas longtemps encore, où tu en as encore? Ben oui, oui, oui. Des jeunes enfants. J'ai des jeunes encore. Justement, je regardais un petit peu, je faisais quelques recherches là, parce que moi, à un moment donné, je me suis tournée vers des méthodes alternatives, en fait, de pédagogie alternative. J'ai mis certains de mes enfants dans une école Montessori, on appelle ça, donc, oui. qui vient de Maria Montessori, qui était une médecin, voilà, et qui proposait des méthodes alternatives à la pédagogie, à l'éducation traditionnelle. Moi, je ne me suis pas du tout retrouvée dans le système de l'éducation nationale, surtout par rapport à la pression, la compétitivité dont on parle déjà. Et puis, à cette espèce de hiérarchie. En fait, moi, ça m'a toujours beaucoup dérangée et troublée. Tu sais, le sachant, l'apprenant. Et en fin de compte, ben, les jeunes ne peuvent pas comprendre leur propre individualité. Ils ne savent pas qui ils sont, etc. Et on ne les considère pas en tant qu'individus à part entière. On les considère en masse. En fait, c'est ça le gros problème de l'éducation nationale, grosse classe, etc. Mais ça a fait des gros débats. Ils ont essayé de désengranger les classes pour qu'on ait plus d'accès directement individuel avec les élèves. Mais c'est une utopie, ça n'existe pas forcément, tu vois. Et ça, c'était un petit peu compliqué pour moi de gérer ça. Donc, je suis passée à cette école alternative. Puis après, ils sont retournés dans le traditionnel. Mais bon, moi, j'ai eu un décrochage. Hein. Mon troisième enfant a fait un décrochage scolaire à la fin de l'année 2025. Et ma fille aussi, suite à des grosses anxiétés, phobies scolaires, etc., s'est tournée vers une autre orientation. Mais le système l'a vraiment cassé, quoi. Oui, là, il parle des signes du burn-out scolaire. Alors, ce syndrome se manifeste par plusieurs symptômes physiques et psychologiques. Parmi eux, une fatigue extrême, même après une nuit de sommeil complète. Bon, ben ça, c'est comme les adultes, hein, oui. On va dire. Une perte de motivation et d'intérêt total pour les cours. Ça aussi, ça fait partie des symptômes de l'épuisement. Un sentiment d'échec malgré les efforts constants. Ça, c'est peut-être, je dirais, pour tout le monde un peu comme ça, parce qu'on est dans une société où on demande d'être le meilleur des meilleurs. Oui. Donc, quel que soit ton effort, parce qu'on ne regarde pas, et là, c'est ce que tu disais dans la façon globale de voir les choses, c'est exactement ça. On ne regarde pas d'où viennent les gens. On regarde un point virtuel et on dit, voilà, ils doivent arriver là. Or, on doit regarder d'où ils viennent pour voir la progression. Et ça, ce n'est pas pris en compte. Des maux de tête et des tensions musculaires, une anxiété croissante, pouvant mener à la dépression. Et là, je reprendrai Lee, qui était interviewée une fois dans cette émission, qui nous disait « Les jeunes actuellement de 20 ans parlent des crises de panique comme avant on parlait de boutons d'acné. » Oui. À peu près de la même manière. Oui. Les crises de panique chez les jeunes, est-ce que par rapport au milieu, puisque Lily, tu as 22 ans, donc tu peux peut-être en parler, est-ce que c'est quelque chose d'effectivement très courant? Oui, je crois que oui, en effet, on en parle de plus en plus. Moi, j'ai peut-être pas le bon échantillonnage parce que j'avoue que je me tiens principalement avec des gens beaucoup plus vieux que moi. Donc, mais oui, même moi, à Québec, je suis intervenante en itinérance et auprès des jeunes. Donc, je suis très près de cette génération malgré tout. Et oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus ouvertement discuté. Et on cherche des solutions concrètes. Oui. Parce que les crises de panique, c'est ce qui est grave, c'est qu'ensuite ils vont chez un médecin. Qu'est-ce que le médecin leur donne? Un anxiolytique. Et là, c'est la porte ouverte à quand tu as 20 ans, on te donne un anxiolytique, jusqu'à tes 85 ans, tu auras ton anxiolytique. Donc, c'est vraiment une manière d'appréhender la vie qui est quand même différente de ce qu'on a connu avant. Alors, quand il parle des causes du mal-être, il parle de plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine du burn-out scolaire. La surcharge de travail avec des devoirs et examens en continu empêche les jeunes de souffler et de se divertir. Je rajouterai un point. En plus, que le divertissement et le loisir est devenu comme une espèce de condition sine qua non à l'équilibre de vie. Non, mais sérieux. Je ne sais pas, tes enfants, ils avaient beaucoup l'IA d'occupation en dehors de leur occupations scolaires ? Alors, ils n'avaient pas trop d'activités extrascolaires parce que déjà, de un, ça me formatait dans un mercredi très compliqué parce que moi, j'avais 4 enfants, donc il fallait que je sois partout et nulle part à la fois. Je passais mon mercredi sur la route, en fait. Et surtout, parce que moi, j'ai été un petit peu traumatisée de ça dans mon enfance. Ah bah voilà. Voilà. Parce que ma maman, en fait, elle travaillait énormément et j'étais enfant unique. Et du coup, elle me mettait à plein d'activités extrascolaires pour ne pas que je m'ennuie ou que je reste seule. Et en fait, ben moi, ça m'a dégoûtée. J'avais plus envie de rien faire, en fait. Et c'était pas forcément des activités que moi, je choisissais, en plus. Et du coup, c'était trop, quoi. J'avais pas de moment de temps mort, en fait. Oui, c'est ça que je voudrais mettre en parallèle. C'est qu'on parle du burn-out scolaire, mais il est quand même attisé par une espèce de burn-out de divertissement qui est, en contrepartie, je dirais, la goutte qui fait presque déborder le vase. Alors, je dis pas qu'il faut pas de divertissement, mais on réduirait un peu les deux, ça ferait un juste milieu un peu plus équilibré. Oui, continuer là-dessus, souvent dans nos activités, même chez les enfants, il va avoir un aspect très compétitif et voire un aspect d'évaluation dans le, dans le divertissement, que ce soit les compétitions sportives et tout. On amène à un niveau d'évaluation et de dépassement de soi qui emmène possiblement à l'épuisement, alors que tu es censé être là pour t'amuser et te reposer de ta vie scolaire. Oui, alors c'est un petit peu ce qu'on entend quelquefois sur les réseaux et ailleurs, c'est cette espèce de surstimulation qu'on fait aux enfants, parce qu'on voit en chacun des enfants, chaque parent voit un génie en devenir. Et alors, de ce fait, voilà. Ça me fait penser au projet Mbappé. Que beaucoup ont testé sur... Tu vois ce que c'est ou pas ? Non. Mbappé, Kylian Mbappé, c'est un footballeur très connu. Voilà. Jusque-là, ça va. Et en fait, il y a des parents, en fait, ils se sont mis en tête de faire devenir leur fils un nouveau Kylian Mbappé en les poussant. D'accord. Et attention, hein, le milieu du sport, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de reportages d'ailleurs qui tournent là-dessus par rapport aux maltraitances qui sont faites sur les enfants dans le sport à haut niveau. Mais dans le sport amateur, moi, sur un terrain de foot, c'est l'horreur. Hein. Les parents, ils poussent leurs enfants. S'ils ne marquent pas le but, ils sont punis à la maison. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Hein. C'est ça. C'est là que je voudrais mettre le point. Alors, OK, burn-out scolaire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de burn-out scolaire, mais je dirais qu'il y a plutôt une ambiance de société qui fait qu'on presse sur les enfants. C'est ça. Donc, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Et justement, quand tu parlais d'anxiolytique, ça m'a fait rebondir dans ma tête. Et je me suis dit que bah, finalement, encore une fois, on remettait en cause l'individu pas le système. Et ben voilà. Et on en revient toujours à ce que ralentir pour vivre essaye de pousser. Tout à fait. C'est que l'individu n'a pas à être coupable d'être victime puisque c'est un phénomène de société. Ouais, tout à fait. Et là, on le voit vraiment. Alors, il parle effectivement du manque de temps libre et d'activités extrascolaires qui empêche la récupération mentale. Alors, moi, je dirais en activité extrascolaire, c'est peut-être aller jouer dans la cour à rien. Ah oui. Hein ? Oui. Combien ai-je de petits cailloux dans mon sabot doré ? Je dis ça parce que c'est un truc que je faisais quand j'étais enfant, on mettait des petits cailloux, puis on sait combien ai-je de cailloux. Mais des jeux qui n'ont, comme tu disais Lily, pas de compétition. C'est-à-dire que l'enfant est, que ce soit dans le divertissement ou dans l'extrascolaire, souvent pris dans une compétition. Ouais. Donc c'est vraiment terrifiant quoi, pour l'enfant. Puis en plus, quand tu fais une activité, souvent dans le milieu du sport par exemple, alors tu as ton petit entraînement le mercredi, puis tu as la compète le dimanche. C'est ça. Et puis après, tu as l'étiquette qui est posée sur toi quand tu rentres à l'école. As-tu été le meilleur ou le plus mauvais ? Ouais, c'est ça. Donc de nouveau, là, on te rescotche quelque chose qui fait que tu es pris dedans. Alors, il parle du perfectionnisme, et je pense que c'est le problème de notre société actuelle, c'est le perfectionnisme. Ouais. Il est dans tout. Comme par exemple, dans l'hygiène, il y a un perfectionnisme qui est dramatique. C'est-à-dire que les gens, c'est tout juste si, on est à la recherche des bactéries, de tout. Il faut faire attention à tout. Il y a une espèce de perfectionnisme à tous les niveaux. Puis ils disent que c'est souvent venu des parents qui poussent certains à s'imposer des standards inatteignables, ce que tu disais pour Mbappé, et dont ils n'ont parfois aucune envie. Mais oui. Et combien d'enfants réalisent le rêve des parents ? Tout à fait ce que j'allais dire. Ouais. Ça aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une pression. Alors, je pense qu'il y a plutôt une pression sur la nouvelle génération qui vient des anciens. Ouais. Donc, en fait, le burn-out des anciens est plaqué sur les enfants. Enfin, là, je suis peut-être un peu radicale. C'est une piste à... Oui, mais en même temps, et là, j'essaie de faire l'avocate du diable. Très bien. Mais je crois qu'il y a, en tout cas pour ma part, je sais que peut-être que c'est la société qui avait complètement, qui m'avait imprégnée, mais je sais que moi, enfant, c'est moi qui demandais à mes parents d'être inscrite à des activités, c'est moi qui aimais être stimulée comme ça, c'est moi qui, j'ai joué au foot très longtemps, c'est moi qui ai voulu faire de la compétition en foot, c'est moi qui, en fait, c'est, voilà, Oui, mais alors là. mes parents essayaient que de me freiner et de me dire non, mais t'es pas obligé d'aller en compétition, et moi qui me disais non, mais moi, je veux atteindre D'accord. le meilleur. D'accord. Mais était-ce toi qui voulais atteindre le meilleur ou était-ce toi qui voulais avoir une image comme étant dans le meilleur? Oui, ben Parce voilà, que la peut-être que la société te réclame. société Voilà. m'avait imprégnée à ce point-là, mais en tout cas, mes parents n'étaient pas nécessairement les responsables de ça, ben peut-être indirectement, mais je pense qu'il y a des enfants qui, encore aujourd'hui, demandent à leurs parents d'être inscrits à telle et telle activité et de faire tel et tel truc, et c'est très. Parfois, ça émane de l'enfant, en fait. Oui. Alors là, je tiens à remarquer quand même que Lily intervient en tant qu'anthropologue, Oui. hein, donc elle parle d'un sujet qu'elle a certainement déjà beaucoup réfléchi ou qu'elle a déjà beaucoup réfléchi. Savoir que, alors je suis intéressée par ta vision dans le sens que si on pouvait voir comme ça, l'enfant est une éponge qui aurait déjà absorbé de la société sans y mêler les parents. Un sens de la compétition, de la concurrence et d'être le meilleur des meilleurs. Oui, ben c'est possible que l'enfant ait absorbé ça. En même temps, assurément que ça vient aussi de l'entourage des parents. Si je prends mon cas, bien sûr que mes parents étaient très performants dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons et étaient surstimulés par plein d'activités. Donc, possiblement que c'est ça. En fait, j'essayais que de reproduire ce que je voyais. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a des parents probablement qui essaient même peut-être de freiner leurs enfants dans leurs ardeurs de compétition. Mais j'imagine en fait qu'il y a des enfants qui sont déjà très imprégnés de cette société de compétition dans laquelle on est. Oui, c'est embêtant. Alors, ils disent également l'isolement et le manque de soutien, notamment dans des environnements scolaires où la compétition est forte, grande école, future sélection master, aggrave la situation en rendant la souffrance invisible. Alors là, oui, on avait reçu en tant que woofing, je le cite là, Camille, qui avait suivi, parce que ses parents l'avaient, on va dire, aiguillé là-dessus, une école d'ingénieur. Et pendant le Covid, ben, il a pété les plombs et il a tout arrêté. Et ça a été pour lui un désastre. Parce que le plus grand désastre, c'était de paraître devant ses parents comme étant un incapable. Incapable, c'était grave pour lui. Et donc, ces enfants qui, bah, qui essayent, qui font, qui. Et tout ne réussit pas, on ne réussit pas tout le temps, donc les erreurs aussi nous apprennent. Mais les avoir jeunes comme ça, c'est très traumatisant. C'est lourd d'impact, c'est difficile. Voilà. Là, on va écouter une petite audio qui va nous expliquer la santé mentale chez les jeunes. La santé mentale des jeunes ne cesse de s'aggraver. Si la crise sanitaire a mis en évidence ce mal-être, d'autres facteurs pèseraient aujourd'hui sur le moral des 18-24 ans. Selon une étude de la Fondation April menée auprès des 18-25 ans en juin dernier, 4 jeunes sur 10 ont déjà pensé au suicide. Une recherche de l'Université de Bordeaux révèle également qu'après la pandémie, 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs contre 26% avant la crise. Des signes de souffrance très répandus puisque 59% des jeunes déclarent être souvent épuisés, sans énergie, 58% se sentent anxieux et 48% se disent souvent tristes, déprimés. Plusieurs facteurs contribueraient à cette dégradation de la santé mentale. Selon la psychiatre Amandine Buffière, directrice médicale du BAPU Claude Bernard à Paris, le manque de liens sociaux accentuerait la détresse psychologique des étudiants. Elle évoque aussi que l'éco-anxiété aurait un impact dans la perception d'avenir négative chez les jeunes. La période entre 17 et 25 ans est aussi propice au déclenchement de troubles mentaux. Pourtant, en France, le manque de structures adaptées aux jeunes complique l'accès aux soins. Il n'existe qu'une dizaine de bureaux d'aide psychologique universitaire BAPU, obligeant les étudiants à se tourner vers des consultations privées plus onéreuse. Il existe cependant le programme Mon Soutien Psy qui offre jusqu'à 12 séances psychologiques gratuites, mais il est moins adapté à ceux qui ont besoin d'un suivi psychothérapeutique et médical plus lourd. De nombreux étudiants hésitent encore à demander de l'aide, se sentant illégitimes de leur souffrance. Pourtant, parler de son mal-être est essentiel, sauf qu'aujourd'hui, 6 jeunes sur 10 n'ont jamais consulté un spécialiste en santé mentale. Un chiffre plutôt alarmant et qui souligne l'importance d'une meilleure prise en charge. Là, on parle de 40%, hein. Donc 40% qui ont des idées suicidaires, c'est énorme. On se demande, parce qu'il y a Durkheim qui avait fait toute une thèse sur le suicide, hein, et une des catégories de suicide est le suicide par le surnombre. Ben, c'est-à-dire que quand une société est en surnuméraire, les suicides augmentent. C'est comme quand une société est en sous-numéraire aussi, ça augmente les suicides. Il y a plusieurs cas comme ça de figure, mais en surnuméraire, les suicides augmentent. Parce que ben, y a un côté, je ne dirais pas inutile, mais que fais-je, où fais-je, dans quelle étagère, quoi. C'est le compliqué. Sens. Le sens. Oui, oui, c'est compliqué. Mais c'est un vrai fléau, hein, le suicide chez les jeunes. Hein. Oui. On en a beaucoup parlé parce que ça arrivait aussi ben, chez nous, hein, comme partout. Mais c'est vrai que quand ça arrive tout proche comme ça, en plus en ruralité, etc., t'as l'impression que c'est plus familial, que les jeunes ont plus d'espace, etc. Mais c'est faux et c'est vrai que c'est très traumatisant. Hein. Surtout dans le milieu scolaire, il y a un jeune qui a tenté de se suicider dans son établissement scolaire il y a quelques mois, quelques années, je pense un an. Et ça, ouais, ça avait vraiment fait un gros choc. Oui, c'est des chocs importants. Alors eux, ils parlent de prévenir et de surmonter le burn-out scolaire. Alors ils disent, heureusement, il existe des solutions pour prévenir et surmonter le burn-out scolaire. Apprendre à écouter son corps et son esprit afin de repérer les premiers signes d'épuisement. Alors là, je veux bien parler à une personne entre 20 et 60 ans d'écouter son corps, mais un jeune entre 12 et 17, je ne sais pas si ça lui dit grand-chose. Non, je suis en train de mettre un jugement là. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop sous-estimer les jeunes quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont capables d'introspection malgré tout. Ça commence du moins. Mais... Donc oui, moi je suis convaincue que les jeunes ont la capacité de prendre les moyens d'aller mieux. Il faut juste les outiller et leur donner accès à ces outils pour aller mieux en fait. Et il parle de réduire la pression en acceptant que la perfection n'existe pas. Je sais pas, moi ça me paraît être des choses peut-être très logiques, mais déjà à des personnes qui ont eu un gros burn-out, admettons, hein, je parle des gens de 40, 50, 60 ans. Et quand on leur dit que le perfectionnisme, c'est malsain, ben elles te disent oui, tant qu'elles sont dans le caniveau, tant qu'elles sont vraiment complètement out. Et puis dès qu'elles remontent un peu, ça y est, elles recommencent. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose de pertinent, ça, de dire que le perfectionnisme n'existe pas dans une société comme on vit maintenant. Bah, on avait beaucoup parlé la dernière fois de justement cette envie, cette projection des jeunes d'être plus dans le bien-être en fait, d'évoluer plus dans une société qui soit moins en rapport avec l'argent, etc. Que les jeunes aujourd'hui, ils étaient plus dans la quête de sens et de bien-être que nos aînés. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, si on continue à les sensibiliser, on arrivera peut-être à ce point-là. Oui. Ouais. Et le deuxième point que je pense qui peut être important de prendre en compte, c'est que s'ils ont déjà des symptômes d'épuisement et qu'ils le vivent déjà très jeune, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu pas mal de cas comme ça, ils continuent leur vie d'une autre manière, avec une autre façon de voir. Lily, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fait d'avoir peut-être déjà été victime d'un burn-out permet de changer sa vision de la vie? Je sais pas. Probablement dans certains cas. Moi, je sais par exemple que j'ai fait déjà un burn-out un peu dans la période scolaire, justement. Mais je pense pas que... Bon, moi, je pense que je suis un peu récalcitrante encore. Je pense que j'ai encore des tendances à me donner beaucoup trop puis à aller vers la perfection ou en tout cas à la viser. Donc, je sais pas. J'espère qu'il y a des gens qui, en ayant été confrontés tôt, vont tout de suite changer leur manière de voir. Puis probablement qu'il y en a d'autres comme moi qui vont avoir besoin de plus d'épreuves encore pour réellement comprendre. C'est ça. Mais piqûre de rappel. Voilà, oui, on peut pas aller contre le fait qu'il y a une énorme stimulation. Oui, non, ça c'est clair. Oui. Ça, c'est sûr. La stimulation, elle est là. Tout à fait. Et encore qu'on la veuille pas. Moi, je rebondis un petit peu. J'accueille des services civiques. Je fais beaucoup d'ateliers avec les jeunes aussi, mais ce n'est pas une question sur laquelle je vais avec eux, mais ça me donne des idées pour autant. Et nous, dans le cadre du service civique, on a une fiche réflexe sur la santé mentale. Voilà, intéressant. Que j'aurais pu t'envoyer d'ailleurs en amont. Peut-être pendant une pause musicale, tu peux checker tout vite ce document. mais en vrai, c'est comment réagir face à un volontaire qui rencontre une problématique de santé mentale. Et il y a beaucoup maintenant d'entreprises où il y a un référent santé mentale au sein de l'entreprise. C'est un petit peu le grand mot de cette année. Bah, je pense que d'en parler, d'échanger, de mettre ce sujet sur la table, fait quand même avancer, alors à petits pas, hein, mais fait avancer vers une prise de conscience qui peut apporter des outils, comme tu disais, Lily, dire apporter des outils, ok, ça existe au moins déjà. Hein, voilà, parce que jusque-là, voilà, on ne reconnaissait pas grand-chose, donc maintenant on peut dire ça existe. Mmh. Un jeune a... Allez, on va dire à 10, 12 ans, 15 ans, peut déjà faire avoir des symptômes d'épuisement. Et il faut savoir les reconnaître et non pas dire « oui, mais le gamin, il nous fait suer », en quelque sorte. Hein. Et donc, parce que on pense des fois que les enfants, oui, mais ils ne veulent pas. Ah non, ça, c'est terrible. Je me bats justement avec les gens que je forme dans le cadre de l'EMI pour que ce genre de choses n'existe plus. Parce qu'en fait, un jeune de 14, 15 ans, par exemple, en atelier, tu as l'impression qu'il n'a pas envie de participer. C'est juste qu'à ce moment-là, déjà, il est en quête de comprendre qui il est. Donc, il ne va pas forcément être dans l'authenticité dans le rapport avec toi. Et puis il y a aussi cette pudeur et cette peur du regard de l'autre pour participer. Il faut quand même regarder avec... Moi, je leur demande toujours de se mettre au plus possible, si en accord avec les enseignants, avec des gens qu'ils aiment bien dans ce groupe-là. Mmh. Si je les prends en groupe comme ça, je sais qu'ils vont avoir plus de facilité à aller sur l'atelier, dans l'interaction, etc. Mais il faut comprendre en fait dans quel cadre évoluent déjà mentalement les enfants avec qui on agit, quoi. Oui, puis là, moi, je rebondirais sur ce que tu dis. Il ne faut pas oublier que, bon, maintenant, ça commence à 12 ans, hein, la préadolescence, mais de 12 à 18 ans, l'enfant ou l'adolescent est quand même dans une période de vie très particulière. Ah ouais. Particulière, qui est déjà épuisante à elle toute seule, le corps qui grandit, les responsabilités qui changent, le côté adulte qui commence à poindre, les demandes de l'extérieur, enfin beaucoup de choses qui font que déjà pour un enfant c'est déjà too much, quoi, en gros. Et puis hormonalement, faut pas le sous-estimer, ce fait. Hormonalement, il se passe énormément de choses dans le cerveau d'un enfant, d'un ado, et ça agit beaucoup sur les comportements. Et c'est ok, c'est normal, quoi. C'est ça, exactement. On va faire une petite pause musicale sur ça. Oshi. Quand t'étais toujours là. Thank you. c'est sans moi. Toi, t'es tellement spécial. Et moi, je ne suis pas. Et moi, je ne suis pas. Chères auditrices et auditeurs, voilà, nous revoilà à l'antenne. Donc, merci Lia pour ce documentaire que tu m'as envoyé sur le... Oui. Alors, ce n'est pas un questionnaire, c'est plutôt... Alors, ça m'a c'est un peu... une fiche réflexe de la santé mentale des, voilà, des jeunes accueillis. Là, ça me plombe. Hein. Ouais. Là, ça me plombe. Première page. Donne-moi ton expertise. Première page. Ouais. Trouble dépressif, attaque de panique, oui. Trouble psychotique, pensée et comportement suicidaire, oui. Automutilation, oui. Troubles liés à la consommation d'alcool et de substances toxiques, troubles des conduites alimentaires, harcèlement moral et sexuel, événements traumatiques. Non, mais là, on parle de cas très lourds, normalement abordés par des psychiatres. Ah ben oui. Là, on n'est plus dans de la psychologie. Là, c'est sûr que c'est compliqué. Après, tu as une petite... Ah oui, hein. Ah ben là, t'as froid aux yeux. T'as froid. Moi, j'ai les poils qui... Voilà. Oui. Mais en même temps, c'est ça la réalité. C'est ça qui se passe dans nos lycées, dans nos collèges. C'est ça qui se passe chez les jeunes. Donc, on ne peut pas le nier. Oui, mais là, on rentre dans le cœur du sujet. On parle même plus de burn-out scolaire. On parle d'un mal-être complet de la jeunesse. Oui, c'est une détresse. Oui, oui. Ah bon, voilà. Là, on parle même plus d'un burn-out scolaire. Parce que je ne voudrais pas qu'on mélange un peu tout. Oui. Moi, je parlerais plutôt d'une détresse totale. Oui, c'est parce compliqué. Parce que là, bon, soutenir, orienter, écouter, tout ça, genre. Toi, situation pratique. Alors, déjà, conduite à tenir en cas d'attaque de panique. Putain, pardon, excusez-moi. Non, je suis désolée. Tu couperas l'IA à l'antenne, c'est pas à dire. Mais nom de chien. Restez calme en approchant le volontaire. Placez le volontaire en position assise, par terre, contre un mur. Enfin, non, mais attends. Non, mais Lily, c'est ce qu'on vous apprend dans l'encadrement que vous faites des jeunes? Oui, ben là, moi, c'est sûr que c'est différent, puisque moi, j'ai étudié l'intervention auprès des personnes... des personnes qui ont des problèmes soit de santé mentale ou de toute autre nature. Donc oui, moi, ça ne me choque pas du tout parce que c'est ça mon quotidien, mais je comprends que ça peut être choquant. Je ne sais pas comment ça se passe ici dans les écoles et tout. Je ne sais pas la réalité de la France, mais c'est vrai que c'est des réalités qu'on voit beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Là où je... Alors, on reste dans le pratique. Hein. Tu me connais, Lia, je suis assez... terre à terre, ras des pâquerettes. Donc, je suis animatrice dans une association. J'ai donc un service civique ou une jeune comme ça. Et donc, je dois me préparer à des situations pratiques dans ce genre-là. Ben, on te le conseille fortement, en tout cas, de prendre connaissance du document pour savoir réagir si jamais ton jeune volontaire est en situation de détresse. Et comme le dit Lily, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Moi, jamais j'ai un groupe de jeunes où à l'intérieur de ce groupe, il n'y a pas une problématique de ce genre. C'est 100%. Mais cependant, je tiens quand même à dire que je trouve quand même... dangereux de mettre la responsabilité un lambda sur quelqu'un qui a pas la formation pour. Alors voilà. Moi je pense que oui, c'est bien qu'il y ait quelques trucs quand même de donner à la population un peu lambda, mais je pense que la principale chose qui devrait être dite, c'est voici comment orienter la personne vers des services, parce que ça peut être autant nocif pour la personne qui aide que pour la personne qui est aidée d'être aidée par la mauvaise personne. C'est exactement ce que je suis en train de, en lisant le texte, c'est ce qui me vient à la tête. C'est ce que moi je fais, hein, personnellement, j'oriente vers des services. Mais si tu descends un petit peu, tu as même une petite conduite à tenir en cas d'agressivité. Oui, j'ai vu. Alors, parler doucement et lentement aux volontaires. Non, mais attends, en plus, tu vois, tu es dans une situation un petit peu explosive. Tu dois avoir à la tête, respire, bon voilà, je dois parler lentement et doucement. Ouais. Non, mais attends. Je pense que le numéro 4, t'es pas prête. Hein, si tu descends. Je descends en cas d'intention suicidaire. Moi, j'appelle le 15. Hein. Eh ben, bien sûr. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire, oui. Moi, j'appelle le 15. Bien sûr. Moi, je ne réfléchis même pas. Je ne sais pas si j'ai la voix douce ou la voix forte. Oui. Je respire, je fais... Ouf, tranquille, tranquille. Je pense qu'ils essayent de donner un outil pour... peut-être que ça a été relevé aussi par tous ces tuteurs et ces organismes qui accueillent des volontaires, cette détresse des jeunes, et qui se sont dit, on va concevoir un outil dans ce sens-là. Mais effectivement, ce n'est jamais à pallier avec un suivi psychologique, psychiatrique ou autre, si besoin. On ne doit pas du tout prendre cette responsabilité-là de prendre en charge psychologiquement un volontaire. C'est ni notre métier, ni nos compétences, comme on en a déjà parlé. Et je prendrai une métaphore. Dans le cas d'un accident grave de voiture, on te dit, même celui qui a fait le cours des premiers soins, qui a quand même été une formation, hein, entendons-nous, il a déjà reçu une formation, on lui dit de ne pas bouger la personne, machin, et truc. Et quand tu n'as pas reçu de cours, on te dit, mais tu touches rien, quoi. Tu ne bouges rien, tu ne fais rien. Donc là où je suis un petit peu choquée, on va dire ça comme ça de prime abord, c'est que des personnes qui n'ont pas reçu la formation, on leur envoie une fiche comme ça. Moi, je ne comprends pas, là. Après, ils te disent quand même, hein, 3114, numéro national prévention du suicide, que tu peux appeler, le 15 ou le 112. Voilà, on te l'indique quand même ensuite. Oui, parce qu'il y a conduite à tenir en cas d'intention suicidaire, le 5. Ouais. Dans le cas où, non, c'est toujours dans le 4. Dans le cas où le volontaire compte intenter à la vie. Non, mais attends, il faut déjà être formé pour s'occuper de ça. Oui, mais en même temps, moi, je m'imagine être parent, avoir un adolescent en détresse. Si tu es confronté à ton adolescent qui soit a des comportements d'automutilation ou des idées suicidaires, avant, ou même en attendant les secours que tu as appelés peut-être, c'est très bien de savoir, fais-le s'asseoir, fais tel ou tel truc. C'est bien d'avoir des petites notions, tout en sachant que la priorité demeure de référer la personne à des personnes plus compétentes que soi. Mais c'est bien d'avoir les premiers soins, disons. Qu'est-ce qu'on fait de base? Mais personnellement, mais là, c'est un avis personnel, hein, j'enverrai un résumé de ça et je dirais plutôt, toute personne qui prend en charge des jeunes comme ça, vous devez faire une matinée de formation. Parce que là, la matinée de formation, tu vas voir visuellement, en action, quelque chose, tu vas pouvoir avoir des Après, tu peux avoir un récapitulatif, mais uniquement une feuille comme ça. Mais les formations sont proposées. Hein. Il y en a beaucoup de formations proposées aux tuteurs et je pense que celle-ci existe. C'est juste que c'est sous volontariat, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin, je trouve ça très lourd. Donc, résumé, burn-out scolaire, burn-out épuisement avec les distractions, épuisement avec ci, épuisement avec ça de société. En gros, on a des jeunes qui ne vont pas bien. Oui, mais moi, je serais curieuse, entre autres, de t'entendre. Tu as dit qu'il ne fallait pas mélanger les choses, le burn-out scolaire versus la détresse. C'est quoi la différence que tu fais, toi, juste pour aider les auditeurs peut-être à comprendre? Quelle est la différence entre le burn-out scolaire ou même le burn-out ordinaire, disons, et une réelle grande détresse psychologique comme on nous montre l'affiche? Alors, ce que je verrais, c'est que la différence qu'il y a, c'est-à-dire, c'est même pas une différence, c'est un stade. C'est-à-dire que l'épuisement scolaire vient avec des petits symptômes légers, hein, de la peine à s'endormir le soir, ou de la peine à récupérer, ou plus de motivation, des petites choses légères, d'accord? Et là, on entre carrément dans des cas d'épuisement extrême, c'est-à-dire vraiment d'enfants qui n'ont pas été écoutés pendant longtemps qui en arrivent là. Donc, ce que je vois comme différence, c'est qu'on a laissé pourrir une situation et donc on ne s'occupe pas comme il faut à la base des jeunes et que ce serait quand même plus sain de commencer à la base avant d'arriver à des cas critiques comme ça. Voilà ce que je verrais comme différence. Okay. Pour moi, c'est dans le continuum, c'est un noir foncé, là. Et c'est surtout peut-être aussi que la détresse des jeunes, certaines dépressions ne sont pas forcément dues au système scolaire, en fait. Voilà. Qui est aussi parfois des difficultés familiales, etc., quoi, qui favorisent ce mal-être. Oui, ça, c'est certain. Il y a l'accumulation, mais d'une société. En quelque sorte, il y a l'accumulation d'une société et qui déteint sur les jeunes, quelque part. C'est un petit peu le problème réel. Là, on va entendre, c'est très court, mais le docteur Claire Morin nous parler du burn-out des jeunes. Une part de la population des jeunes ne va pas bien. Comment expliquer que les jeunes se sentent aussi mal? Il y a de nombreux facteurs. On sait que depuis la crise Covid, il y a eu une accélération des difficultés chez les jeunes, qui vient d'une difficulté globale à se projeter, on va dire ça comme ça, parce que l'adolescence, c'est l'âge où on est en train de se construire, où on se dit, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Et quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut avoir une appréhension importante, que ce soit sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, tout ce qui se passe, toute cette violence dans les écoles. C'est se dire, comment moi, en tant que jeune qui suis en train de me construire, quel adulte je vais être et dans quel monde je vais pouvoir évoluer. Et voilà, chères auditrices et éditeurs, dans quel monde? Et là, on en est dans le point crucial, dans quel monde le jeune va pouvoir évoluer. Et à mon sens, c'est peut-être le problème le plus important dont on ne met pas le point assez dessus, c'est qu'est-ce qu'on leur propose à ces jeunes? C'est peut-être ça le vrai problème. C'est, est-ce que ça vaut la peine? Alors, j'ai connu dans les années 80 les punks, No Future. Mais on n'en est pas loin. Les jeunes, est-ce qu'ils ont un futur maintenant? L'éco-anxiété, le problème de travail, le problème de la santé, le problème avec le Covid, tout ce qui s'est déclenché. Quel est l'avenir? Alors, je vais poser une question complètement absurde ou alors qui paraît anodine à Lily qui a 22 ans. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, personnellement, par exemple? Juste, en dehors du sujet. Très bonne question. En fait, j'ai aucune idée. Je suis très partagée entre, justement, le fatalisme et presque le nihilisme de dire « ça mène à rien, ça vaut rien, puis de toute façon, on va tous mourir dans moins de 20 ans ». Mais il y a aussi une partie de moi qui se dit que chaque génération a vécu cette peur du futur, qu'il y a plusieurs, on n'est pas du tout la première génération à se dire que c'est la fin du monde. Et en fait, ça fait des millénaires qu'on se dit que c'est la fin du monde, et finalement, c'est jamais la fin du monde. Donc, il y a aussi une partie de moi qui est beaucoup dans ce positivisme, un peu qui se dit l'humain a toujours réussi à s'adapter, on va réussir à s'adapter. Donc, oui. Je suis partagée entre les deux. D'accord. Et il n'y en a pas un qui remporte plutôt que l'autre? Pour le moment, c'est l'espoir, sinon je ne serais pas ici. Ah oui, d'accord, OK. Et alors, à quelqu'un qui a quelques années de plus, comment tu vois le futur? Parce que tu es encore dans les jeunes. Même si tu es mamie maintenant. Et oui, c'est vrai, ça, je suis mamie et je pense beaucoup au futur de ma petite fille d'ailleurs. Oui. Je suis un petit peu comme Lily, assez partagée, mais moi je suis quelqu'un d'assez utopiste, positive, ultra positive. Et je n'ai envie de voir que la beauté. Je préfère vivre dans ma bulle en fait et pas trop regarder, même si on est obligé d'être confronté à certaines problématiques. Mais. Je me dis qu'on a les ressources quelque part en fait en nous pour que les choses évoluent positivement et que de toute façon, si on n'a pas cette flamme en nous, en fait, il n'y a pas forcément d'utilité. Le sens en fait pour moi de la vie, c'est de trouver en fait cette positivité-là dans les choses, essayer de mener des actions concrètes à notre propre mesure en fait, à notre propre hauteur, à notre propre place. On ne peut pas agir sur l'aspect des choses de façon mondiale, mais... chacun avec ses propres moyens, quoi. Et je finirai par un avis d'une personne de bientôt 70 ans, 67. Je resterai comme toi dans un idéalisme positif en me disant que l'être humain, j'ai la foi en l'être humain et que quelque part, un jour, il rebondira. Il rebondira quand bien même ce sera après de grosses difficultés. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ce que je vois des personnes qui ont été victimes de burn-out, souvent, c'est des virages extrêmement positifs dans la façon de voir la vie, extrêmement positifs dans les valeurs qu'on défend après. C'est des valeurs beaucoup plus profondes, beaucoup plus équilibrantes, qui ancrent, qui sont beaucoup plus réelles. Et je reste dans l'espoir de me dire qu'à un moment donné, ça va être une évidence et qu'on se relèvera de tout ça en se disant, comme les gens qui ont, comme les personnes âgées qui ont passé 14, 18, 39, 45 et qui sont ressortis de quelque chose où, quand ils étaient dedans, ils ne pensaient pas pouvoir en sortir. Donc, je reviendrai sur ce que dit Lily, les autres générations. Parce que ce qu'on ne prend pas en considération, c'est que notre génération, en tout cas la mienne, qui a dans les 60 à 80 ans maintenant, on a connu les belles années. Les années d'après 70, c'est-à-dire on a connu des années qu'on ne connaîtra jamais. Donc effectivement, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de réel, en tout cas en Europe, de réels conflits, de réelles problématiques. Donc maintenant, il y a plein de choses qui se pointent à l'horizon. Enfin, je ne sais pas, là je vois Lily qui fait dodeliner de la tête. Oui, non, mais il y a quand même eu des conflits en Europe, mais... Oui. Mais c'est vrai que peut-être pas de l'ampleur de guerre nationale encore. De guerre mondiale. Mondiale, oui, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Je reste positive en me disant que souvent, les épreuves grandissent, que les épreuves nous permettent de voir les choses sous un autre point, sur un autre, une autre vue, avec un autre point de vue. Je reste très positive avec ça, voilà. Après, le propre de l'être humain, c'est la dualité. Il ne faut pas s'attendre à une prise de conscience commune, en fait. Moi, j'ai l'impression, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, la vapeur va se retourner et qu'on ira vers un système différent. Mais il y aura forcément des gens qui vont, des consciences qui vont contrebalancer ça. Et ça a toujours été le cas, en fait. C'est ce qu'on appelle l'équilibre, en fait, tout simplement. Mais effectivement, je pense que quand tu as connu des épreuves, ça amène une certaine résilience et beaucoup sont à témoigner de ça, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis l'histoire et le début des temps, il y a toujours des moments très positifs, des moments très négatifs. Et puis ça aussi, comme tu dis, voilà, très négatif, très positif, très négatif, très positif. Il n'y a aucune civilisation jusqu'à maintenant qui a trouvé un juste milieu. Ou bien... Je préfère donner la parole à un anthropologue. Est-ce que je suis en train de lancer quelque chose de complètement stupide? Non, ben là, c'est assurément mettre trop d'importance à l'anthropologue que je suis. Mais je n'ai aucune idée. J'ai absolument pas... Est-ce qu'il y a une civilisation qui a trouvé un juste milieu? Ben, j'ai absolument pas les compétences pour le dire. Bon, ben, et je pense que personne ne les a. Ben, assurément, peut-être des historiens ou des anthropologues. Intuitivement, plus... je vois pas, là... Ben, puis ça dépend ce qu'on entend par juste milieu aussi. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Probablement qu'il y a des sociétés qui ont été plus équilibrées que d'autres. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par équilibré. Voilà. En tout cas, on peut espérer là-dessus. Voilà, on peut espérer là-dessus. On espère. On espère. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui montaient auprès comme des graines plantées dans mon sommeil et se marche seul mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir, puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chaud. Cet éclair blanc, j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité, saura l'écouter. Mais ses cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant. Voilà, chères auditrices et auditeurs, la chanson de Simon & Garfunkel de 64. Oui, très très beau. Le son du silence. Mm. C'est vraiment... Alors, c'est mon époque, hein, voilà. Je reconnais que je connaissais bien cette chanson et je l'aimais beaucoup à l'époque. Ah ouais, c'est très bon. C'est très beau. Ouais. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur les jeunes, aux parents ? Soyez très attentifs à vos jeunes, sans parler d'épuisement scolaire, soyez très attentifs car les jeunes ont besoin d'être énormément accompagnés du fait de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Tout à fait. Amener une écoute bienveillante. Après, on pourrait donner plein de conseils, mais c'est tellement facile de le faire quand on se retrouve dans une situation problématique. On se sent un peu démuni par moments. On a l'impression qu'on n'arrive jamais vraiment à bien faire les choses. Mais être au maximum à l'écoute de son jeune, après, ça dépend du jeune aussi. Puis ne pas hésiter aussi à se référer à des professionnels si c'est il y a besoin. Quoi. J'avais envie de dire, à partir du moment où on voit quelque chose qui dysfonctionne, il est inutile de se dire qu'on va pouvoir régler le problème. Par contre, il y a des professionnels qui s'occupe très bien de ça. Et c'est important. La principale des choses, c'est de casser le tabou, en fait, et le huis clos. Ça, c'est très, très important de casser le huis clos pour soi-même, en parler autour de nous. Il y a forcément quelqu'un qui va nous partager son expérience ou qui va nous donner un petit tips. Et plus on en parle et plus on a la possibilité de trouver pas des solutions, mais quelque chose pour avancer, s'accrocher, quoi. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Lily tout à l'heure, la question que tu m'as posée par rapport à la différence entre un épuisement scolaire et puis un cas de détresse complète, peut-être ne pas attendre d'être dans la détresse complète. Remarquez déjà, simplement, quand un enfant dit qu'il est plus motivé, ben, peut-être que de consulter une thérapeute professionnelle, ce serait peut-être déjà le bon moment pour voir à quoi est due cette démotivation. Mmh. Est-ce qu'il faut réduire les activités ? Est-ce qu'il faut... On dit que l'enfant doit s'ennuyer pour être créatif. Mais maintenant, dans notre société, ça existe un petit... Ça existe pas trop, hein, parce qu'avec toutes les sollicitations, je veux dire, tu peux rester à la maison chez toi, tu as forcément ton téléphone portable, quelque chose qui va te distraire. Oui. Qui va trop te solliciter. Et là, ben, peut-être on n'en a pas parlé, mais les réseaux sont peut-être un facteur. Voilà, j'avais pas compris, il y a quelques années en arrière, on m'avait parlé que les réseaux pour les jeunes, c'était en quelque sorte, si un parent laissait l'accès au réseau des jeunes, c'était comme s'il donnait de l'héroïne. Et moi, je comprenais pas pourquoi on parlait d'héroïne. Et après, j'ai fini par comprendre, en fait, le phénomène de l'héroïne, c'est que, alors, une drogue que je ne connais pas, mais enfin, j'ai été formée parce que je me suis occupée de gens qui étaient toxicomanes, c'est apparemment... Tu es dans une bulle, c'est-à-dire que, comme dans le fœtus de la mère, c'est-à-dire dans une bulle complète, et que le réseau crée ce même phénomène. Okay. Et donc, ça donne une addiction totale et une difficulté de ressortir de cette addiction. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça, on va en prendre conscience dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? J'espère pas si loin. Bon, moi, je suis très... complotiste sur ce coup, pour moi, ça a été étudié, en fait, pour asservir notre nouvelle génération. Et il y a beaucoup de gens, notamment des gens qui ont mis ces choses-là en place. Je me rappelle plus de la personne exactement, mais il y a quelqu'un qui a conçu, je sais pas si c'est une marque de téléphone ou un réseau social, et qui a dit, si j'avais su l'impact négatif que ça a sur le cerveau et sur les jeunes, je ne l'aurais jamais fait. Tout le monde sait ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Alors maintenant, on veut interdire leur accès aux mineurs de moins de 15 ans. Ça vient de sortir là en France. Mais en fait, comment ça va être respecté? Comment ça va être mis en place? Comment ça va être supervisé? C'est la même chose qu'un site pornographique. Il y a quand même énormément de pourcentage de jeunes qui consultent des sites pornographiques alors qu'il faut cliquer sur avoir plus de 18 ans. Je pense que c'est très simple de le faire. Ben oui. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire ça, mais bon, s'ils remettent ça encore entre les mains de l'IA... Il va y avoir certainement un bug comme chez Amazon Et ça risque de tout remettre, voilà, enfin bref. Alors, moi, je te rejoins dans le côté, sans être complotiste, dans le côté que c'est bien calculé. Et il me semble, mais peut-être je fais une erreur, que c'était Bill Gates qui a dit que ses enfants n'étaient pas éduqués avec ça et que ses enfants avaient l'interdiction d'aller sur les réseaux. Mmh. Et pourtant, il connaissait très bien la chose, parce que c'est Bill Gates qui a lancé au début les réseaux, hein, Internet. Mais il faudrait regarder ça, parce que je n'ai pas vraiment cette connaissance, mais en tout cas, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent à partir du moment où mon enfant a eu un appareil dans les mains, une console, un téléphone portable, il a pu s'occuper par lui-même, faire travailler son imagination, créer du réseau avec ses voisins, enfin du réseau si je puis me permettre, de la communication, des interactions avec réel en fait. Et déjà la première chose que moi j'aurais envie de dire aux parents sans être moralisatrice, c'est ne donnez pas d'écran à vos enfants le plus tard possible, quoi. Je pense que, je vois pas ce que ça apporte, mais paraît-il que s'ils n'ont pas, ils sont dévalorisés par rapport aux autres. Alors, en étant minimaliste, uniquement une heure par jour, mais pas plus, j'ai l'exemple d'un proche de jeunes qui, le jour où elles ont eu leur portable et les réseaux, elles étaient très bricoleuses. Dans leur chambre, il y avait des ciseaux, des papiers, des tissus, des trucs, des machins. Elles cousaient, elles faisaient plein de choses. Elles n'ont plus rien fait et leur chambre est devenue vide et il n'y a plus que l'écran. Ça me choque, moi. Ça me bouleverse quand je vois ça. Parce qu'elles ne sont plus du tout créatives, mais plus du tout, je ne sais plus du tout, je ne sais plus du tout. Après, des fois, ça revient, parce que moi, par exemple, ma fille, elle a 21 ans, elle a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, etc. Mais elle a parfois des moments de lucidité où elle se dit j'ai envie de reprendre mes activités créatives, ça me saoule d'être sur mon téléphone. Je pense qu'il y a une espèce de palier. Moi, je sais que je peux ne pas du tout y aller, ça ne me dérange pas. Si j'y vais, c'est parce que j'ai envie. Bon, parfois, tu te prends vite au jeu, mais ma génération n'est pas celle qui a grandi avec les réseaux sociaux. Par contre, mes enfants plus jeunes, eux, ils n'auront pas ce petit truc à dire. C'est ça. Je fais plus les choses, je vais peut-être pas faire autrement, quoi. Parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, on verra. Bon, soyons positifs. Finissons sur une note positive. Ayons la foi en l'humain. Tout à fait. Un jour, ça basculera dans le bon sens. Ouais. Et puis, les choses s'éclaireront sous une autre lumière. Après, la foi, ça suffit pas. Il faut passer à l'action aussi. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, bon, voilà. Ceux qui nous écoutent pourront peut-être proposer des choses. Mais faire très attention aux jeunes parce qu'actuellement, ils sont en danger, c'est vrai. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, nous vous retrouverons dans 15 jours en direct. En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt.